Vous écoutez? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, heureux de vous retrouver. La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1 au cadran et à ckrl.qc.ca sur la toile. Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver ce soir en compagnie de Josiane Robert, une artiste visuelle, cinéaste et vidéaste de Québec. Eh bien, Josiane, bienvenue. Bienvenue merci, à l'émission. Merci. Très heureux de t'accueillir. Bon, Josiane, tu vas me laisser le soin tout de même de te présenter à nos auditeurs, nos auditrices. Alors, je vais aller brièvement. Bon, je l'ai dit, évidemment, artiste visuelle, cinéaste, performeuse aussi. Josiane a présenté son travail artistique au Québec, à l'étranger, dans le cadre de plusieurs événements. Bon, je les nomme là, la Manif d'art, les rendez-vous Québec Cinéma, Art souterrain et Phénoména, ça c'était à Montréal. Et puis il y a de nombreux festivals au Maroc, à Cuba. J'en passe parce que tu as fait plusieurs festivals. Bon, tu recevais en 2025 le prix Videré de la création artistique. C'est un honneur qui récompense l'excellence d'une démarche artistique qui consiste, et là j'emprunte tes mots là-dessus, là, une démarche qui consiste à explorer le caractère impalpable de la rencontre de soi et de l'autre à travers la vidéo, la photographie et la performance. Tout ça pour nous ce soir avec une grande sensibilité pour la matière sonore. C'est pour ça d'ailleurs que je t'ai invité. Ça fait longtemps que j'y pense. Si tu veux, Josiane, avant d'entamer notre conversation, on va écouter un extrait d'un magnifique film. Est-ce que tu dis film ou vidéo? Je dis un film pour ouais, celui-là, ouais. Ouais. Donc, magnifique film que tu as réalisé en 2018, une œuvre intitulée « À l'abri du temps ». C'est un film à la fois poétique et autobiographique, on va en reparler tout à l'heure. Une œuvre où les sonorités rurales, les voix et la musique nous dévoilent, je pense, toute l'importance que tu accordes à l'univers sonore dans ta démarche. Bon, la musique originale est de Sylvain Lapointe et la conception, mixage sonore, de Robert Thivierge. Alors, ben, on écoute ça. Comment on fait pour profiter au maximum du temps qui nous est donné avec les gens qu'on aime? On est bien ici, t'as abri du vent, hein? Je m'appelle Josiane. Je suis la fille de Gilles H. Roberge et de Rosaline Carrier. Deux personnes que j'aime profondément. Tu ne manges pas souvent, hein, maman? Hein? Tu ne manges pas souvent? Non, je marche pas cela. Faudrait que je me mette à marcher au printemps. Marche dans la maison, là. Hein? J'ai l'impression que les saisons passent de plus en plus vite. Puis je résiste. Souvent, je me sens observatrice. Puis des fois, ben ça y est. Je suis complètement présente dans le moment. Fume les jouets! Moi, pas deux. Je viens juste de te rattraper. Non, même pas. C'est 32. Je prends conscience de toutes les petites choses qui changent. C'est des petits détails, mais c'est des petits détails importants. Puis je me rappelle ce que tu m'as dit, papa. La distance qu'on a parcourue devient vite plus grande que celle qui nous reste à faire. Josiane, quelle belle trame sonore. Bon, elle accompagne un film que tu as réalisé avec la complicité, je veux dire ça comme ça, de tes parents, tout ça. Mais on sent là une familiarité absolument incroyable. Mais ce soir, tu es d'abord une vidéaste. Tu m'as souvent posé la question, bon Gaëtan, qu'est-ce que je fais dans ton émission d'art sonore? Évidemment, ta sensibilité puis tes intuitions sur le plan du sonore dans tes productions, pour moi, je trouve ça assez fascinant. Et puis ce soir, bon, je voulais qu'on parle un peu de ce travail-là. Et puis ma première question, c'était un peu comme je le fais d'habitude, à savoir comment a surgi chez toi, l'idée de faire de la création artistique. Comment l'art est entré dans ta vie pour en faire, bon, je dirais pas carrière, mais en tout cas, en faire une occupation majeure dans ta vie? Bien, en fait, ça remonte à vraiment loin quand j'étais enfant. Un moment donné, j'étais avec mes amis. Bien, en fait, j'étais allée voir mes amis en courant, genre, parce que j'ai su que quelqu'un dans ma famille avait une caméra. Puis moi, à l'époque, je regardais, mettons, des making-of à la télé, des téléromans qui étaient faits, puis tout ça, puis j'étais comme « waouh, c'est donc bien beau de voir une équipe travailler, puis aller dans la même direction, dans le même sens, pour que quelque chose existe, cette émission-là, mettons. » Je trouvais ça vraiment beau, puis excitant, intéressant, puis ça piquait ma curiosité. Puis quand j'ai su que j'avais peut-être la possibilité d'avoir une caméra pour faire des films, là, j'étais toute énervée, puis j'ai demandé à mes amis, genre « Hey! » J'ai dit « Hey, on peut faire des films! » Puis eux autres, ils étaient clairement pas aussi enthousiastes que moi. Puis, ben ça me fait dire que ça remonte vraiment à loin mon intérêt pour les images en mouvement. Puis après, ben j'ai étudié en arts et technologies des médias à Jonquière, puis ça, c'est un programme pour travailler en production télévisuelle. Fait que j'ai fait ça, j'ai travaillé un peu dans le domaine, mais je trouvais pas trop ma place. J'étais pas prête à réaliser, je savais pas trop ce que j'avais à dire. Fait que les années ont passé. Mais j'avais toujours cet intérêt-là pour les arts visuels. Tu sais, j'adorais mes cours d'art plastique. Tu sais, même en étudiant en télé, j'avais des idées de films expérimentaux. Puis c'est avec le recul que je me rends compte que c'était vraiment plus ça mon intérêt, sans que je sache que ça existe, en fait, c'est ce style-là. Bref, tout ça fait en sorte que, éventuellement, j'ai décidé de faire le grand saut puis d'étudier en arts visuels. Puis c'est là que je suis tombée en amour avec la vidéo d'art. Parce que je connaissais pas ça. Puis là, je voyais qu'il y avait des petits bijoux de poésie qu'on pouvait créer en toute simplicité. Puis pour moi, la simplicité, c'est vraiment, vraiment important. Il y a beaucoup de simplicité dans mes projets. J'essaye vraiment de ramener les choses à l'essentiel tout le temps. Puis ça me permettait de le faire. Parce que en production de fiction, de pub dans laquelle j'ai travaillé, c'était compliqué, là, tu sais, les budgets, les grosses équipes. Alors qu'en vidéo d'art, tu poses ta caméra, tu filmes le temps qui passe, puis c'est magnifique, tu sais. D'ailleurs, je reviens sur cet extrait qu'on a écouté ensemble, tiré de ton film « À l'abri du temps ». Et quand on parcourt ta production, j'ai un peu l'impression que c'est, peut-être dans ton premier film où il y a une approche qui est très perso, qui est très autobiographique, tout ça. Et je me demandais comment tu avais négocié le départ de ce film-là avec tes parents. Parce que bon, on regarde le film... c'était pas évident. Parce qu'on regarde le film, on a l'impression là, que c'est des complices de la première heure pour faire le film. Et je voulais t'entendre là-dessus, comment on négocie un tel travail dans l'intimité, parce qu'on rentre dans la maison, on entend les bruits de la vie quotidienne. Oui, bien en fait, ça c'est un projet que j'ai fait avec Spira. On était 8, je pense, cinéastes, puis on travaillait la thématique de l'urgence. Moi, j'avais pitché un projet qui était complètement différent, mais quand on m'a accepté, puis c'était le temps de travailler sur le projet... Là, c'était plus l'idée première qui était la plus d'actualité dans mon cœur. Ce qui était dans mon cœur, c'était vraiment que je venais de réaliser comme que j'avais plus 20 ans, que je vieillissais, puis que les gens autour de moi vieillissaient aussi. Donc, puis là, je commençais à voir mes parents à chaque fois que j'allais les voir. Je voyais des petites choses qui étaient un peu différentes de la dernière fois, une plus grande fatigue, nanana. Puis, fait que là, c'était ça qui était vraiment le plus vibrant pour moi. Puis, j'ai vraiment, de manière très maladroite, commencé ce projet-là. Spira nous fournissait plein d'équipements, des belles grosses caméras, tout ça. Fait que moi, ce que j'ai fait, parce que c'était pas clair qu'est-ce que je voulais faire non plus. Tu sais, je voulais faire quelque chose avec mes parents, je savais pas quel angle j'allais prendre, quelle approche, mais je savais que je voulais faire quelque chose avec eux, puis avec surtout mon espèce de réalisation que les choses changent, puis que je résiste. C'est surtout ça, le message du film. Je résiste vraiment, puis j'étais dans une période de très grande résistance, là, tu sais. Fait que là, j'arrive avec ma grosse caméra, avec mes gros sabots, puis je leur dis pas rien, j'installe ma caméra, je commence à les filmer, puis là, c'est comme... là, un moment donné, mon père servir. Bon, ben là, serre ça! Ça suffit! Là, j'étais comme, oups! Puis là, mais j'étais tétanisée parce que c'était vraiment vertigineux pour moi de faire ce film-là. C'était pas clair, puis tout ça, puis... Puis là, mon père me revirait de bord, tu sais. Fait que là, finalement, c'est mon chum de l'époque qui a été témoin de ça, puis tout ça. Puis là, il est allé voir ma mère, puis il a dit, « Mais Josiane, elle a eu une bourse pour faire un film, puis elle veut le faire, un film sur vous, avec vous. » Fait que là, ma mère, elle a parlé à mon père, tu sais. Pendant toute la réalisation du film, j'ai filmé à chaque mois pendant un an avec eux. Pendant toute la réalisation du film, ils savaient pas où est-ce que je m'en allais, puis moi non plus. C'est vraiment en montage que j'ai compris plus où est-ce que je m'en allais. Puis c'était vraiment touchant à un moment donné. J'avais mon pré-montage de fait. J'avais pas la narration ni la musique, mais j'étais allée chez mes parents puis je leur ai montré le premier montage. Fait que ça, c'était super touchant parce que mon père se rappelait des moments qu'on avait passés ensemble où la caméra était là. Puis là, il était tout enthousiaste de voir les images. Je les ai filmées pendant qu'il regardait. C'était vraiment touchant. Mais ma mère était super sceptique, elle savait. T'sais, elle était comme, mais là, moi, je vais pas mourir demain matin. C'était super touché comme sujet, là. J'étais là, mais non, c'est pas ça! Mais t'sais, finalement, j'ai réalisé, c'est surtout sur ma perception, mes sentiments. C'était pas sur eux, c'était sur moi, finalement. C'était sur nous, c'était sur nous. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est un film qu'on peut découvrir là, sur la toile quand on cherche un peu. Il y aura les références sur le site. Josiane, on va écouter un autre extrait de ce beau film très sensible, À l'abri du temps. C'est sûr que voir tes enfants, c'est merveilleux. Puis, t'espères tout le temps qu'ils aillent bien. Quand ils vont pas bien, toi, tu vas pas bien. Mais quand tu vois tes enfants, c'est un cadeau. Puis, on sait qu'ils peuvent pas toujours être là. Puis, c'est normal. Puis, quand on était jeune, on était pas toujours là. Puis, c'est correct. C'est comme ça. Poigner les goyottes. C'est ça ton activité favorite? Ouais. L'année prochaine, on va commencer le 25 octobre. Okay. Puis je vais finir, ça finit au 1er mars. J'ai une nouvelle technique, là, puis on va essayer ça. Mm-hmm. Quand tu souris, là, tes yeux s'illuminent. Comme, t'as comme un regard d'enfant. Ah ouais? Ouais. Mais je te l'ai déjà dit. Je pense que je suis encore enfant dans moi-même. Au fond, on peut se mettre à l'abri si on veut. On peut boire chaque petite goutte de temps qui nous est offerte. Puis les savourer. Pas aujourd'hui, en tout cas. Mais sûrement en enfer. Toi, t'aimes pas ça, de la compatatisme? Non, pas tant. Je vais l'envoyer à Mireille, à soir. Pour Mathieu. Les enfants doivent manger de la compote. Pas quoi? Thank you. Josiane, une fois passée cette première présentation de ce beau film au contenu sonore que je trouve extraordinaire, bon, tu dis « je recherche des symboles forts au sein d'Action Simple ». Tu as évoqué tout à l'heure la simplicité, bon, et puis tu énumères ça de façon assez brillante, là, marcher, embrasser, ramer, écouter, des actions qui vont faire surgir l'essentiel. Bon, c'est ce que tu racontes. Puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ta philosophie de travail. Quand tu amorces un projet, bon, ton processus, là, de ce que tu mets en branle sur le plan à la fois, sur le plan intellectuel, sur le plan pratique, là, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui t'inspire aussi, là? Bon, c'est un peu une question qui peut être à tout vent. mais c'est un peu mystérieux aussi, le travail artistique. C'est toujours une question que j'aime poser parce que, bon, on essaie de comprendre un peu qu'est-ce qui déclenche une action artistique. Ça, je pourrais répondre en commençant par dire qu'à l'école, j'ai découvert le travail de Bill Viola. Puis ça, c'est un artiste que qui m'a vraiment fascinée par, justement, la simplicité de ses propositions vidéo. Dans lequel le temps se déploie vraiment de manière forte, avec, encore une fois, une très grande simplicité. T'as énuméré toutes les actions. Ça, c'est des actions qui sont liées à plusieurs projets artistiques que j'ai faits. Puis c'est avec le recul que je me suis rendu compte, dans le fond, tout tourne autour d'une action. Il y a plusieurs œuvres qui tournent autour d'une action. Puis c'est ça, j'essaie vraiment d'aller à l'essentiel puis d'enlever le plus d'artifices possible. On dirait que c'est une question qui est vraiment difficile pour moi à répondre parce qu'on dirait que je prends jamais tant de temps de prendre justement ce fameux recul sur mon travail puis je sais pas quoi dire, on dirait, oh mon Dieu! Mais comme Interstice ductile, tu sais, c'est un projet qui m'a été commandé par des artistes sonores. Il faisait des pièces avec l'orgue à tuyaux du Palais Montcalm dans le cadre d'un projet qui s'appelait Plein Jeu, qui était piloté par Avatar, le centre en or audio Avatar. Puis là, c'était Vincent Thériault, Simon Lemallet puis Jocelyn Robert. Fait que là, ils m'ont approché pour me demander un plan séquence. Un plan séquence, c'est quand il n'y a pas de montage. Donc, ce qui se passe dans l'image, ben c'est ça. Ça se passe zéro. Puis là, 10 minutes plus tard, c'est encore le même plan. La caméra n'a pas arrêté de tourner. Fait qu'ils m'ont demandé ça. Ils m'ont présenté 6 de leurs pièces en audio pour l'orgue, parce que dans le fond, leurs pièces étaient fabriquées à l'ordinateur, puis ils branchaient ça à l'orgue, puis l'orgue jouait leurs pièces. Fait que ça permettait vraiment beaucoup de un style vraiment différent que si un orgue, quelqu'un qui joue de l'orgue joue, parce que, tu sais, on a 5 doigts, là. On a 10 doigts. 5 doigts par main. Par main. Avec l'ordi, bon, en tout cas, ça fait des œuvres complètement différentes. Bref, puis pour le projet, ben en fait, j'avais un problème. Je me disais, mais là, je veux pas upstager le son, tu sais. Le son est tellement important. C'est les œuvres de ces 3 artistes-là. Moi, j'amène une vidéo, mais je veux pas que la vidéo prenne le dessus. Donc là, j'étais dans un petit casse-tête ici. Puis il fallait que j'apprivoise l'orgue aussi, parce que l'orgue, c'est pas une sensibilité que j'avais particulièrement, là, des pièces à l'orgue. Pour être honnête, j'avais aucune sensibilité au départ à leur travail. Mais là, je suis complètement tombée en amour avec leurs œuvres. Là, je les adore. Puis, en fait, là, je me suis dit, mais comment ne pas voler la vedette de ces œuvres sonores-là? Je me suis dit, je vais mettre en scène quelqu'un qui les écoute. Donc, c'est ça que j'ai fait. J'ai invité une personne que je connais, que je trouve très magnifique dans sa présence, dans son charisme. En fait, c'est ça. Mes impulsions artistiques viennent souvent d'une rencontre avec des gens que je trouve absolument magnifiques, charismatiques. Je trouve que l'être humain est une œuvre d'art en soi. Puis c'est surtout les expériences que ces personnes-là vivent. Des moments difficiles où, tu sais, moi, c'était ma résistance à voir les choses changer, à voir mes parents vieillir. Fait que ça a été une impulsion de création. Les marcheurs, qui est une œuvre sans son, des gens marchent pendant 40 minutes et passent chacun leur tour à regarder la caméra. C'est comme une mare de monde, puis il y a des gens, les personnes se détachent une à une pour regarder la caméra. Mais ça, c'était l'impulsion venait d'un ami qui venait de perdre sa sœur, qui vivait un très grand drame, mais j'étais comme « wow, il continue à marcher, il reste debout ». C'était ça, mon impulsion. Puis là, j'ai eu cette idée-là de faire marcher des gens, tu sais, en silence. Mm. Puis vraiment, il y a rarement des paroles dans mes projets. Donc, c'est ça un peu mon impulsion. Donc, bref, pour revenir à Interstice ductile, c'est ça. J'ai mis en scène quelqu'un qui écoute les pièces. Mm. Donc là, on était dans une mise en abîme, tu sais, de... OK, parce que la pièce était présentée au Palais Montcalm. La vidéo était synchronisée avec l'orgue. Et c'est ça, là. Donc là, ça a fonctionné. Mm. Puis il se passe presque rien dans la vidéo. Donc j'aime beaucoup ça, quand il se passe rien. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et c'est extrêmement, un travail extrêmement intéressant. Et là, tu viens de me donner une clé que je n'avais pas réalisée, à savoir que ce personnage central dans Interstice ductile est quelqu'un qui est à l'écoute de l'orgue Casavant, un peu bricolé là, par les compositeurs, artistes, interprètes. On va en écouter un extrait de ce projet Interstice ductile. Et là je prends mes notes pour pas me gourer, mais on va entendre une... Je pense que c'est une composition de Vincent Thériault. Ça s'appelle « Lacet ». Et bon, ce soir-là, il y a eu tout de même beaucoup de présentations. Puis c'est un projet global, Interstice ductile, qui fait partie du projet plein jeu d'Avatar, du Centre Avatar. Donc, je fais jouer un travail de Vincent Thériault. Je ne sais pas trop s'il était de la partie. Celle-là n'était pas dans le... Mais voilà. Mais c'est pas grave. Oui, c'est pas grave, parce qu'on va écouter probablement une autre pièce un peu plus tard, mais on écoute cette pièce intitulée « Lacet ». On écoute ça. Vous écoutez CKRL Radio. Vous écoutez La Croche Oreille. Écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL, La Croche-Oreille, une aventure sonore. présentée chaque dimanche. J'accueille ce soir Josiane Roberge. C'est une artiste visuelle, une cinéaste, performeuse aussi, et puis qui mène de nombreux projets de création dans lesquels, en tout cas, c'est mon opinion, dans lesquels on retrouve un contenu d'expérimentation sonore et musicale qui est très riche, très intéressant. Et puis, c'est ce qui m'a donné l'idée d'accueillir Josiane. Alors, Josiane, on poursuit. On a écouté des extraits sonores de deux productions filmiques, À l'abri du temps et puis ensuite Interstice ductile. Des projets assez différents finalement sur le plan, à la fois sur le plan visuel, sur le plan sonore, mais dont l'idée maîtresse est à quelque part dans une intuition à l'égard du temps, je dirais, le temps qui est malléable, qu'on essaie de maîtriser, et puis aussi des travaux qui sont très centrés sur l'humain, quand tu évoquais entre autres le projet Les Marcheurs. Mm-hmm. Mais il y a un autre projet aussi qui combine tous ces facteurs à la fois intuitifs, humains, de grande sensibilité, et c'est ce projet qui s'intitule « Nos petites mains ». Donc là, je cherche ma note que je vais trouver. Je bouge pas. Nos petites mains. Ah oui, nos petites mains. Je vais trouver. Nos petites mains, c'est oui, un. J'aimerais ça que tu nous en parles. C'est oui. Un court documentaire vidéo d'art de danse qui m'a été. C'est une invitation du Papillon Blanc Danse, en fait. Ça, c'est un organisme de Québec qui envoie des danseurs contemporains dans les CHSLD. Pour créer une rencontre entre nos aînés et le danseur. C'est pas un spectacle que les danseurs vont faire, c'est vraiment une rencontre humaine très profonde qui se fait par le mouvement. Puis Marie-Noëlle, elle formait des danseurs contemporains, elle avait toute une semaine de formation pour leur faire comprendre c'était quoi d'aller en CHSLD danser avec les aînés. Puis elle m'a invitée à les suivre, à suivre la formation, à les filmer pendant la formation. C'était comme une carte blanche pour une œuvre vidéo. Puis je les ai suivis aussi en CHSLD. Donc, je me suis concentrée beaucoup sur filmer les mains des danseurs qui rencontrent les mains des aînés. Par pudeur aussi, là, tu sais, mais parce que c'est tellement expressif, c'est tellement beau. Donc, ça donne un film de 16 minutes qui parle finalement de... Parce que là, on a parlé à l'abri du temps, j'ai déjà ce questionnement-là par rapport au temps qui passe trop vite. Donc là, c'est comme un dialogue entre un aîné, le danseur, la danseuse, ou une mère, sa fille. C'est un peu flou, on peut s'imaginer ce qu'on veut, mais sur des images magnifiques de ces danseurs-là... C'est être témoin de ça, c'est comme vivre des moments de grâce à répétition. J'ai jamais vécu autant de moments de grâce en une seule heure. Puis c'est quand j'ai filmé ces images-là, j'avais l'impression d'avoir un trésor entre les mains, puis je voulais vraiment honorer ces images-là puis ces rencontres-là. Fait que j'ai tricoté un petit film qui parlait aussi de ma peur de vieillir, qui parlait de nos questionnements, de nos grands questionnements un peu existentiels, puis... C'est un peu ça la genèse du film, oui. Ouais. En fin de compte, on découvre un volet autobiographique très, très fort dans tes productions. Et encore là, c'est un peu comme dans le cas de À l'abri du temps. On se demande un peu comment tu t'es faufilé, je dirais, dans cet univers de personnes âgées, en faisant comme un personnage un peu invisible. Puis là encore, on sent beaucoup de complicité à travers des non-dits, des expressions du corps qui sont vraiment fabuleuses. Mm-hmm. Et puis, est-ce que ça t'a surpris cet élan quasiment naturel de complicité là, quand on est sur le terrain en tant que tel? Non, parce qu'en fait, le Papillon Blanc Danse, ça fait... J'étais là à la création de cet organisme-là, j'étais sur le CA, puis tu sais, j'ai été vraiment complètement fascinée et touchée par leur approche. Puis j'ai été souvent en CHSLD, en fait, filmer des choses pour eux. Fait que c'est quelque chose que je connaissais, puis que j'avais une empathie ou une complicité naturelle, oui, vraiment. Fait que j'étais pas surprise, je me sentais à ma place. Puis moi, quand je vis des moments de grâce, ben je me sens à ma place. Puis en fait, je veux juste souligner que, tu sais, pour la narration, la trame sonore, j'ai travaillé avec Denise Desautels, une auteure de Montréal que j'ai rencontrée au symposium de Baie-Saint-Paul. J'ai été vraiment séduite par elle, par sa plume. Puis elle a aussi visité mon travail qu'elle a beaucoup résonné, avec lequel elle a beaucoup résonné. Fait que j'ai osé lui demander, l'inviter, parce que moi, j'ai 40, dans la quarantaine, j'ai mon expérience de vie. Elle a eu 80. Elle a son expérience de vie par rapport à, c'est ça, cette grande expérience de la vie qui est de traverser les phases de la vingtaine, de la trentaine, quarantaine. Hein? Puis, c'est ça, j'ai demandé d'écrire en lui montrant un premier montage. J'ai demandé d'écrire des choses que ça lui évoquait. J'avais écrit mes propres choses aussi. Puis, il y a aussi un texte qui avait été utilisé pendant la formation qui parle des mains, vous allez sûrement l'entendre. Ça, c'est un texte qui était utilisé par Marie-Noëlle, la directrice, Marie-Noëlle Gouin, qui m'a invitée à faire le projet. Donc, j'ai fait un mélange de tout ça, de tous nos écrits ensemble. Puis c'était comme trois intelligences ensemble à l'œuvre qui ont donné ce film-là. Oui, un beau, très beau résultat. Et donc, on va en écouter un extrait dans lequel on trouve, comme tu l'as dit, texte en parole de Denise Desautels, de Marie-Noëlle Goua et de Josiane Roberge aussi, qui prête sa voix et peut-être ses écrits. Et je souligne que c'est une conception sonore de Simon Elmalet. Donc, on écoute un extrait de Nos petites mains. Prépare à venir me voir, à danser avec moi. Je ressens ta sensibilité, ta hâte, tes appréhensions. Ça va être simple, crois-moi. Tu vas danser avec moi. Tu vas danser. Toutes ces dernières années, mon corps et mon esprit étaient bien occupés, embourbés, remplis, compartimentés. Ce qui m'apparaissait durer toujours n'était en fait qu'un sursaut. Je suis maintenant debout, à l'autre extrémité du chemin de terre. Et l'air frais me fait respirer plus grand. Je peux sentir le vide. Devant. Je regarde tes mains douces. On dirait des miroirs. Si chacun des gestes de ta vie avait été tracé au crayon, un épais brouillard s'agripperait à celle-ci. Ces mains-là ont pris soin. Elles ont accompagné, ont proposé, ont soulagé. Des mains qui jouaient, qui effleuraient, qui s'agitaient. Elles donnaient. Elles recevaient. C'est à la fois un peu bouleversant, douloureux même, et pourtant doux, tellement doux, d'avoir devant soi le corps de celle qu'on a été, qu'on porte encore au fond, tout au fond de soi, malgré les apparences, malgré l'usure, la fatigue, et tellement de couches d'ombre. Josiane, on a évoqué beaucoup d'artistes qui ont collaboré à tes projets de production, que ce soit de production, de performance ou encore de production filmique, vidéo, installation. Il faut savoir bien s'entourer. Oui, tout à fait. Puis je pense que tu l'as bien fait parce que je vais en nommer quelques-uns tout de même. Robert Thivierge, Sylvain Lapointe, Simon Elmalet, Martien Bélanger, Jocelyn Robert, on pourrait en nommer encore plusieurs. Et je voulais un peu te poser cette question, savoir qu'est-ce qui te fascine dans l'univers sonore? Qu'est-ce qui t'interpelle pour que ça marche avec tes intuitions visuelles? Ou encore, qu'est-ce qui fait que tu as un peu l'impression que ça va fonctionner avec une personne plutôt qu'un autre? Bien, c'est sûr que les gens, on connaît un peu leur travail, fait qu'on sait si leurs propositions vont résonner avec notre travail. Mais moi, ce qui est le plus important, c'est la sensibilité parce que moi, tu sais, il se passe tellement rien, comme je le disais, dans mes projets, dans mes œuvres, que ça prend vraiment une grande, je pense, sensibilité pour voir ce qui bouge dans ce qui ne bouge pas. Puis pour donner un exemple, tu sais, Simon Elmalet, je trouve que dans le film Nos petites mains, il a fait un travail extraordinaire. Tu sais, il y a l'environnement sonore d'un film... C'est tout le film en même temps, là, tu sais, c'est tellement important. Puis en fait, c'était pas évident parce que la première trame que Simon m'a proposée détruisait complètement le film. J'étais là en pleurs, tu sais, dans le sens que j'étais comme, j'ai pas donné assez de direction, parce que j'aime ça, pas trop donner de direction au début pour voir qu'est-ce que la personne va ressentir puis va livrer, tu sais. Mais des fois, c'est pas une bonne idée. Faut donner plus d'infos à la personne. Mais j'étais comme, oh mon Dieu, le film marche pas, c'est une catastrophe, c'est pas bon. Puis là, je remettais mon film en question. Fait que là, je me suis ressaisie, puis j'ai dit, hey Simon, c'est pas ça, tu sais, c'est pas ça, parce qu'il y a plein, il y avait comme plein de nuances, tu sais, c'est comme de la dentelle, tu sais, c'est même plus fragile que de la dentelle, c'est presque, tu sais, c'est de la soie, mais je dis pas ça de manière prétentieuse, tu sais, c'est vraiment, là, de la toile d'araignée à la limite, là, tu sais, mince. Fait que quand on y va trop vite, trop fort, ça brise. Donc là, oups, ça marchait pas. Puis là, finalement, j'ai donné des directions plus claires. Puis là, il est revenu avec un bijou, là, que vous avez entendu, là. Tu sais, vous êtes d'accord? C'est tellement extraordinaire, ce qu'il a fait. Donc, c'est ça, ce qui me fascine, c'est qu'eux, ils arrivent à comprendre puis à créer des univers qui vont supporter, qui vont... élever le film. Moi, je pense que, tu sais, dans ce cas-ci, il a vraiment élevé le film, là, mais vraiment plus haut que j'aurais pu, que mes images l'amenaient. Là. C'est intéressant, ça, d'avoir des complices qui vont permettre à une production ou à un projet perso là, d'atteindre des niveaux qu'on n'avait pas imaginés dès le départ. Bon, parmi toute la liste des artistes, il y en a une que je n'ai pas nommée, c'est Myriane Rouillard. C'est une artiste qui se définit un peu comme ça. On dit de Marianne qu'elle cherche l'imperceptible de la chose matérielle, moule et démoule les propriétés sonores des éléments que l'on croit inanimés, réorganisant en succession improbable de vibrations magnétiques. Alors, je trouvais que ça fitait, comme on dit, assez bien avec ton univers. Puis on va entendre un extrait d'une pièce de Myriane qu'elle a réalisée dans le cadre d'un projet d'avatar qui s'appelait Repère. Et puis Myriane qui a travaillé sur quelques-unes de tes productions, oui. Pas... sur l'installation cathédrale. Ouais. Myriane, c'est une femme extraordinaire tout aussi. Tout à fait. Et puis, pas un extrait, mais la trame de ce volet de repère. C'est une création de Myriane Rouillard. Myriane Rouillard. Josiane, le temps file. On va clôturer notre entretien. Comme tu dis, on aurait pu jaser pendant encore beaucoup de temps. Mais dis-moi, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe là, à partir de maintenant dans tes projets d'artiste ou pas? Qu'est-ce qui est sur ta table de travail? Bien, ce qui est sur ma table, qui est carrément sur le feu parce que c'est bientôt, il faut que ça cuise vite. c'est la semaine prochaine. Oh oui. Pas cette semaine, l'autre. J'ai été invitée à participer à quelque chose qui s'appelle les Rencontres improbables. C'est la première mouture, c'est organisé par l'Université Laval entre autres, puis ça va se passer à la Charpente des Fauves. Il y a plusieurs intervenants de différents backgrounds qui vont parler, qui vont discuter de leur perception d'une thématique commune. Et la thématique, c'est l'instant, l'instantanéité du moment. Fait qu'il va y avoir un professeur de... Je sais pas si je peux donner tant d'infos. Je sais pas si je suis tenue au secret. Mais en tout cas, il va y avoir plein d'intervenants vraiment intéressants qui ont une perspective vraiment différente. Fait que moi, je vais être invitée à faire une performance puis à partager ma perception aussi. Alors, j'imagine qu'on va pouvoir suivre ça sur les médias sociaux et puis dans les... 4 février, 17h30 à la Charpente des Fauves. Oh, tout à fait. Alors, c'est noté. Josiane, grand merci de m'avoir accordé cet entretien ce soir. Ça a été vraiment super. Tout le plaisir était pour moi. Ouais, alors voilà. Et puis, on va terminer ça avec encore un extrait de ce beau projet intitulé « Nos petites mains ». Est-ce que je t'ai abandonné au moment où tu t'en allais? Est-ce que je t'ai fui? Est-ce que tu n'as pas été toi-même abandonné? Dépossédé. Si on parlait de la peur, de son ombre quotidienne derrière nous ou à nos côtés. Alors voilà, il s'achève l'émission pour ce soir en compagnie de l'artiste visuelle, réalisatrice et performeuse Josiane Roberge. Grand merci, Josiane. Et puis grand merci aussi aux artistes et collaborateurs, collaboratrices de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres. Cela dit, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant pour écoute quand ça vous tente. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore. On termine la soirée sur un extrait de ce beau projet intitulé « Les petites mains » réalisé par Josiane Roberge. Alors voilà, depuis les studios de CKRL dans le quartier Limoilou à Québec, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue. Nos mains se rencontrent. Nos mains prennent le temps. Elles complotent. Elles analysent. Elles désirent. Nos mains qui construisent, qui réfléchissent. Des mains passionnées, des mains qui doutent. Des mains blessées. Nos mains en colère. Nos mains qui luttent. Nos mains qui enveloppent, qui consolent, qui refusent. Nos mains timides, hésitantes. Nos mains qui osent, qui ressentent. Des mains qui aiment. Des mains vivantes. Devant tes doigts élégants, lisses, sans douleur. Je te demande, ai-je été une bonne mère? Et toi, mes paumes caressantes au-dessus de tes longues rivières de veines, est-ce que j'ai été une bonne fille? Je joue maintenant avec toi, mon infini, qui est venu me voir. Je pense que nous n'avons plus beaucoup de temps. À deux, c'est plus facile. À deux, oui. C'est plus facile.